l'histoire se passait en Amérique. Voilà, je vais dire ça. Allez, on y va. J'ai l'impression du... Votre bonheur, c'est la vie de famille. Les barbecues entre amis. Ouais, on dirait Bruel, là, c'est naze.